J'aime rien de se perdre, j'te balaye la table, j'colle un 10 de chute. J'aurais réussi quand ils m'insulteront tous de fils de pute. Nos 13-4-0 pour le pin, insertu pour le mot de passe. Tellement de remords que dans le lit, j'manque de place. Hasta ma chérie, je t'aime. J'ai le sirop de la rue pour adoucir les fins de mois. J'ai trop de doigts pour compter mes amis, j'ai besoin que d'un bras. Tu fais tes grands gestes quand tu m'expliques qu'on fasse la reggae pour du Nesquik. Ah non mon refrain c'est triste, il faut plus du Peur à mais du Netflix. Posé en bas, toujours les mêmes têtes sous perfusion d'eau de pluie. Tu l'as fait pour toi, tu l'as fait pour toi, t'es pas le daron d'autrui. J'aurais réussi quand ils m'insulteront tous de fils de pute. Cette connasse cherche mon cœur alors qu'elle est assise dessus. Être vrai, le rester, les boire dans le respect. T'as capté. Ils préfèrent les choses simples, nous on veut les choses vraies, on veut la VOST. T'as capté. J'compte plus le nombre de fois où j'ai compté le nombre de fois où. J'compte plus le nombre de fois où j'ai compté le nombre de fois où je les éteins. Comme sous l'eau. Chose vraie, on veut la VOST. T'as capté. J'compte plus le nombre de fois où j'ai compté le nombre de fois où. J'compte plus le nombre de fois où j'ai compté le nombre de fois où je les éteins. Comme sous l'eau. Comme sous l'eau. Comme sous l'eau. Comme sous l'eau. Être vrai, le rester. Les bords dans le respect, t'as capté. Come slow, come slow.